Et maintenant, écoutez cette deuxième chanson, c'est le document 3B dans votre livre de texte. Il était un petit navire, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage, sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, ohé, ohé. Ohé, ohé, matelot, matelot, navigue sur le flot.